On va parler de la Ligue canadienne de football. On sait que c'est la Coupe Grey en fin de semaine. Sauf qu'il y a un gars qui est quand même actuellement en vacances depuis environ une semaine. C'est Shane Gauthier de Daboom-Sesny. On sait que les Bombers, dans un excellent match, ont perdu contre les Eskimos d'Edmonton en finale de l'Ouest. On parle avec Shane Gauthier. Salut Shane! Shane, ça a été un excellent match. Malheureusement, ça n'a pas été à la faveur des Bombers, mais cette finale-là, pour les amateurs de football, ça a été un très, très bon match, là. Ah oui, ça a été un bon match. En fait, c'était la demi-finale de l'Ouest. Oui, demi-finale de l'Ouest, j'ai dit demi-finale de l'Est, c'est l'Ouest, ouais. C'est-à-dire. Oui, ça a été un bon match. C'est sûr, on était à une coupe de jeu de pouvoir peut-être gagner ce match-là, mais... Pour donner crédit aux Eskimos qui avaient une équipe super, super bonne et super prête. Puis au final, c'est eux qui ont joué le meilleur match que nous. OK, Reed Nichols était, avant le match, était quand même un point d'interrogation, un cas douteux. Est-ce que le fait qu'il ne s'est pas présenté à 100%, ça a pu jouer dans ce match-là? Je pense que si tous ceux qui ont écouté le match, je pense que. Ils ont pu voir que Matt il a joué un excellent match. Je pense pas que la blessure qu'il avait ait vraiment joué sur l'issue de ce match-là. Je pense que c'est collectivement, on a moins bien joué que les Eskimos ce match-là. Puis c'est ça qui a fait en sorte que c'est eux qui sont sortis avec la victoire. OK. Shane, comment ta saison, ta deuxième saison dans les Canadiennes, comment que... C'est certain que... plus encore plus de connaissances, j'ai appris encore beaucoup cette année. Les choses vont toujours bien, puis je pense que l'équipe ont confiance en ce que je fais, puis je vais être prêt. Il me reste encore une autre année de contrat pour l'année prochaine. Je pense que en se présentant en santé, puis tout va bien, je pense que ça va bien aller la suite. OK, OK. Là, est-ce qu'on va l'an prochain, est-ce que tu vas jouer plus encore à ta position naturelle ou c'est encore les unités spéciales qui vont faire de toi un joueur de la Ligue canadienne? Là, il est beaucoup trop tôt pour commencer à parler de tout ça. Tout ça se dessine tout le long du camp d'entraînement. Tout dépend aussi de quel ratio l'équipe veut... où sont les Canadiens que l'équipe veut voir jouer. On va le savoir juste l'année prochaine. Okay. J'ai tout le temps en tête que ma chance un jour va venir, puis je vais être prêt mais que celle-là se présente. OK, Shane, si on parlait un peu maintenant de comment tu entrevois la saison hivernale à Winnipeg. Est-ce que tu vas venir dans le coin? Est-ce que tu vas demeurer à Winnipeg? Tu vas revenir au Québec? C'est quoi ton plan de match, hein? Ah, je reviens au Québec le 1er décembre. OK. Je vais passer l'hiver à Chicoutimi. OK. Je vais travailler en collaboration avec le Cégep de Chicoutimi pendant l'hiver. On va essayer de travailler un petit peu avec les équipes scolaires de la région afin de lui donner un petit peu de connaissances puis d'aider le développement du football dans la région. Ben, c'est quand même bien, parce que le football va bien, mais c'est sûr qu'on a toujours besoin de cerveau. Puis j'imagine aussi que tu vas commencer aussi ton camp d'entraînement, te préparer pour encore arriver en meilleure forme pour la troisième saison? Oui, c'est certain. J'ai un plan en tête pour me maintenir en forme cet hiver, prendre soin de mon corps, arriver au camp d'entraînement au meilleur de mes capacités, puis être capable de passer un bon camp là, sans aucune blessure. OK. Shane, les Bombers sont vraiment sur une bonne position. Là. Depuis quelques années, ça a été difficile, mais là, on est vraiment sur une belle lancée. Là. Oui, ça, les deux dernières années, on a vu une belle progression de ce que Mike O'Shea puis Kyle Walters tentent de faire ici. Malheureusement, c'est quelque chose qui est à rebâtir à chaque année. L'équipe sera pas la même que cette année. On va voir comment que on a beaucoup d'agents libres qui on a beaucoup de joueurs qui vont tomber agents libres suite à la saison. Alors, c'est de voir comment est-ce que ce que Kyle et Mike Oshie vont. Okay. Vont c'est quel joueur qu'ils vont signer, puis à quoi va ressembler le noyau de l'équipe l'année prochaine. Ok. La Coupe Grey en fin de semaine, comment tu vois ça? Personnellement, je ne pense pas l'écouter. Ok, ok. Depuis la fin de la saison, j'essaie de décrocher à autre chose. Okay. De faire le vide un petit peu. C'est de longues saisons. Ouais. Puis, je vais peut-être y jeter un œil, mais ça va encourager mes anciens teammates qui vont jouer pour moi. Ah oui, le Rouge et Or, c'est vrai, la Coupe Vanier en fin de semaine. Oui, c'est vrai. Shane, un gros merci. Au plaisir de se reparler durant l'hiver. Bravo pour ton initiative d'aider encore le collège et le collège Chicoutimi et le football dans la région. Ah, merci, ça va vite. Shane Gauthier, des Bombers de Winnipeg et natif de The Boom Sisney.